sur ces quais est parfaite pour moi. Mais elle me recale, ce qui est fou c'est que j'en ai devant encore. Même si on me dit qu'elle n'est pas faite pour moi, ça m'est égal, je donnerai tout pour être contre son corps. Une chose est sûre, c'est qu'elle est parfaite pour moi. Mais elle me recale, ce qui est fou c'est que j'en ai devant encore. Le charme latine, concentré dans ce jean, la jolie ticholine, a toute mon attention, sa beauté me fascine, son charme m'assassine, je souris, je la taquine, mais aucune réaction. Elle fait comme si j'existais pas, comme si elle me voyait pas, et mes amis me disaient que ce n'est pas une fille pour moi. Ce qui est sûr quand je la vois, c'est qu'elle reste sans voix, je suis convaincu qu'elle est faite pour moi, et cela. Même si on me dit qu'elle n'est pas faite pour moi, ça m'est égal, je donnerais tout pour être contre son corps. Une chose est sûre, c'est qu'elle est parfaite pour moi, mais elle me recale, ce qui est fou, c'est que j'en redemande encore. Même si on me dit qu'elle n'est pas faite pour moi, ça m'est égal, je donnerais tout pour être contre son corps. Une chose est sûre, c'est qu'elle est parfaite pour moi, mais elle me recale, ce qui est fou, c'est que j'en redemande encore. Faut me dire que ce n'est pas celle qu'il me faut. Je la connais que peu, mais je ne lui trouve aucun effort. Je commets des fautes afin de distinguer le vrai du faux. J'ai surtout l'impression de ne pas avoir toutes les infos. Mais est-ce que tout cela est vrai? Si oui, pourrait-elle changer? Si seulement je pouvais lui parler, au moins là je serais fixé. Mais on m'empêche de l'approcher afin de me protéger. Seulement j'aimerais me faire ma propre idée. Même si on me dit qu'elle n'est pas faite pour moi, ça m'est égal, je donnerais tout pour être contre son corps. Une chose est sûre, c'est qu'elle est parfaite pour moi, mais elle me recale, ce qui est fou, c'est que j'en redemande encore. Même si on me dit qu'elle n'est pas faite pour moi, ça m'est égal, je donnerais tout pour être contre son corps. Une chose est sûre, c'est qu'elle est parfaite pour moi, mais elle me recale, ce qui est fou, c'est que j'en redemande encore. Ils me disent tout, les lines des recettes, et toi ils me disent tout, les lines des recettes, et toi ils me disent tout, les lines des recettes, et toi ils me disent cette fille n'est pas faite pour toi, oh non. Ouh, les lines des recettes, et toi ils me disent tout, les lines des recettes, et toi ils me disent tout, les lines des recettes, et toi ils me disent cette fille là n'est pas faite pour toi. Même si on me dit qu'elle n'est pas faite pour moi, ça m'est égal, je donnerais tout pour être contre son corps. Une chose est sûre, c'est qu'elle est parfaite pour moi, mais elle me recale, ce qui est fou, c'est que j'en redemande encore. Même si